La bague. Un jour, un roi fit appeler son ministre et lui dit « Il y a une bague spéciale que je voudrais porter dans 6 mois lors de la grande fête. Je veux que vous la trouviez et que vous me la portiez. » « Je ferai de mon mieux, votre majesté, » répondit le ministre. « Voudriez-vous me dire ce que cette bague a de si spécial ?»« Elle possède des pouvoirs magiques, » répondit le roi. « Si on est heureux et qu'on la regarde, on devient triste. Et si on est triste et qu'on la regarde, on devient heureux. » Le ministre se mit à la recherche de la bague. Les jours... Puis les semaines et les mois passèrent et il ne l'avait toujours pas trouvée. Il était sur le point d'abandonner quand, le matin de la fête, il rencontra un humble marchand vendant quelques bricoles éparpillées sur une vieille natte dans la rue. « Auriez-vous par hasard entendu parler d'une bague magique qui rend heureux celui qui est triste et triste celui qui est heureux ?» À la surprise du ministre, le marchand lui présenta un simple anneau avec quelques mots gravés dessus. « Est-ce là ce que vous recherchez ?» demanda-t-il vivement. Le ministre fit un grand effort pour lire les mots et se rendit immédiatement compte qu'il avait trouvé l'objet de sa recherche. Il donna au marchand une belle somme pour l'anneau et revint tout content au palais. La fête était sur le point de commencer. Le roi était d'humeur joyeuse. Lorsqu'il examina la bague et lut les mots, il devint triste. Alors il réfléchit un moment, lut les mots de nouveau, et sa tristesse disparut. Il rit très fort et félicita le ministre pour son bon travail. Et quels étaient, d'après vous, ces mots qui avaient une telle magie? Ils étaient assez simples. Sur la bague était gravé « Ceci aussi passera. » Nous avons tous notre part de difficultés, mais nous ne devons pas nous laisser vaincre par elles. Et quand la fortune nous sourit, il vaut mieux ne pas nous y attacher. Tout au long de notre vie, joie et peine vont et viennent l'une après l'autre.